le volume numéro 5, la page 84, il a dit « قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ دَلِيلًا يُعْرَفُ بِهِ يُمَكِّنُ كُلَّ مَنْ اجْتَهَدَ وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فرعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء دكوه وافق المعتزلة ووافق القدرية هذا الحجوري ووافق من وطائفة من أهل الكلام. Donc je traduis le témoin argumentatif dans cette citation très belle de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il faut faire très attention. D'accord? Le témoin argumentatif dans cela. La parole qui dit Cheikh Islam, il nous rapporte une parole, il va donc dire elle est de quelle ta'ifa, de quel groupe, de quel sexe. La parole qui dit tout un chacun qui ne connaît pas le vrai dans une question de base ou de branche, cela ne vient que de son manquement dans ce qu'il doit, non pas à cause de son incapacité, cette parole, qu'est-ce qu'il dit sur l'islam? Ceci est le propos bien connu des qadarites et des mu'tazilis, bien connu, al-ma'ruf, hadha al-qawl al-mashhour, c'est-à-dire que quelqu'un qui enseigne donc faire ou l'aqida ou kadakum hajuri doit le connaître. Il a dit ceci est le propos bien connu des qadarites et des mu'tazilis. Et c'est celui d'une partie des gens de Al-Kalam, autre que ceux-ci, autre que les mu'tazilis et les qadarites. D'accord? Donc là, on peut ajouter, donc juste en guise de rappel, la parole de Ibn Mas'ud, combien de personnes veulent atteindre la vérité mais ne vont pas parvenir. C'est pourquoi le croyant, le serviteur, il doit invoquer Allah, il doit demander à Allah tawfiq, il doit demander à Allah le succès. Tu peux déployer les efforts et faire donc beaucoup d'efforts et ne pas aboutir. Tawfiq, mais Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. كم من مريد للخير لا يبلغه وأحسن منه قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله إيقاق كي إلف الله أكورد كوا الهداية لا قيدي كي إلف هذا هو منهج أهل السنة والجماعة يأخذون من النصوص لا من أهل الكلام دكور ainsi que la parole du messager عليه الصلاة والسلام من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ celui qu'Allah guide, il n'a pas, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah égare, nul ne peut le guider. Donc nous, lorsque nous lisons ces choses et on commence notre cours parfois en récitant ces choses, et eux aussi ils font cela à des mains, est-ce qu'ils réfléchissent à ces paroles ou bien est-ce que ces paroles c'est juste une chose, c'est-à-dire pour la forme? لَا هَدَا كَلَمْ فِيهِ مَعْنَى. C'est une parole qui contient du sens. Il faut vivre avec ce sens. D'accord. Donc l'hidayah est de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui déploie l'effort, ça peut atteindre la vérité, et ça peut ne pas. Il se peut qu'elle ne l'atteigne pas pour une hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant le sixième fondement. Le sixième fondement, c'est que Al-Hajouri juge bon un vers du poème de As-Safariniya, l'Aqida As-Safariniya, qui est une Aqida Mandouma As-Safarini, rahimahullah, où il soutient donc la Manhaj Al-Sunnah Al-Jama'a, As-Safarini, rahimahullah, Atna Alayhi Al-Allam Al-Fawzan, lorsque vous écoutez les audios de Cheikh Fawzan ou lorsque vous lisez dans l'explication de Cheikh Fawzan, trouvez que Cheikh Fawzan fait de l'éloge de cet homme. Il est en train de le défendre et de dire que c'est un savant, donc des gens de la Sunna, même s'il y a des endroits où il s'est trompé. D'accord? Mais l'âme tablour al-hijja, il a pensé que cela c'est la vie des gens de la Sunna et il l'a consigné dans sa mandouma, rahimahullah ta'ala. Donc là, Al-Hajouri, un endroit où Seferini s'est trompé, lui, il pense que ça, c'est la vie qui est vraie.